ni belle, ni vigira. La mise en onde est assurée par François Kimana. C'est le premier jour du mois d'août 2019. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. Les militants des partis politiques sont pris sous les ailes des responsables de ces partis, rappelle le président de la Chambre basse du Parlement, des propos qu'il a tenus ce jeudi lors de l'ouverture des travaux de la session ordinaire du mois d'août. Et sur ce même sujet, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, appelle à la responsabilité de la police et de l'administration pour mettre fin au cas d'intolérance politique, vous l'entendrez dès le début de cette édition. Et le taux d'intérêt pour tout prêt contracté à la banque des jeunes récemment annoncé par le gouvernement sera de 5%. C'est la recommandation issue du Conseil des ministres de ce mardi. Vous entendrez le secrétaire général et porte-parole du gouvernement qui annonce également la création de la Banque des femmes. Et le directeur du lycée communal de Murungurira, commune Nega de la province de Kirundo, nous sommes au nord du Burundi et sous les verrous depuis ce mercredi. Une accusation pesée sur lui, viol contre ses écolières, comme affirmé par le procureur général de la République à Kirundo. Étant connuyé, vous en avez l'habitude, tous les jeudis, vous avez droit à la chronique judiciaire. Et aujourd'hui, le recours en appel est au rendez-vous. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, l'administration à la base et les forces de l'ordre sont appelées à s'impliquer davantage pour arrêter les cas d'intolérance politique qui s'observent ces derniers jours. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, Gaston Sindimo demande à tous les politiciens de faire la politique dans la limite de leurs droits. Suivez Gaston Sindimo, il est premier vice-président de la République du Burundi et il sera l'invité de notre journal. Ceux qui font ça ne comprennent pas la démarche que nous avons initiée de pouvoir faire la politique dans l'unité et malgré notre diversité politique et ethnique. De toute façon, nous observons au niveau de la base une intolérance basée sur la peur. Nous recommandons aux forces de l'ordre de mener des enquêtes minutieuses pour trouver qui a fait quoi. Parce qu'on a vu une permanence qui a été brûlée, mais après les enquêtes, nous avons trouvé que c'est les membres de ce parti qui ont brûlé cette permanence pour faire plus d'écho. Donc nous demandons à ce que les forces de l'ordre, les autorités habilitées, de pouvoir mener des investigations nécessaires pour mettre la main sur les criminels, qui qu'ils soient. Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, comme je le disais, qui sera l'invité de notre journal. Et ouverture de la session ordinaire d'août à l'Assemblée nationale ce jeudi. L'Assemblée nationale rappelle aux responsables des partis politiques qu'ils sont responsables du comportement de leurs membres. Le président de la Chambre basse du Parlement l'a dit ce jeudi lors de l'ouverture des travaux de cette session. L'occasion à Pascal Nyabenda d'appeler les parlementaires à plus d'assiduité au travail de ne pas se préoccuper du positionnement sur les listes électorales, bien que cette session constitue la dernière de la législature en cours. Suivez à ce propos Pascal Nyabenda, il est président de l'Assemblée nationale. Permettez-nous de rappeler que l'ouverture de cette session constitue le lancement du dernier exercice parlementaire annuel de la législature 2015-2020. C'est dire à quel point les élections générales 2020 sont proches. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux honorables députés de travailler sans relâche durant cette dernière période de notre législature. Que la confection des listes au sein des partis politiques pour l'élection de nouveaux honorables députés ne nous décourage pas, car servir la nation, ce n'est pas seulement être honorable député. Par ailleurs, en ces temps où le pays est en train de créer de meilleures conditions pour la tenue des élections de 2020, l'Assemblée nationale se doit d'encourager les acteurs politiques à agir dans l'intérêt général de l'État. Les leaders des partis politiques doivent se rappeler constamment qu'ils sont les premiers responsables des comportements des adhérents et des militants de leur parti qui doivent être suffisamment encadrés afin que la concorde nationale soit préservée. Il faut préparer les électeurs afin que les prochaines élections se déroulent dans la paix, la tolérance, le respect mutuel et l'inclusion de la diversité. À cet effet, les leaders des partis politiques sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans le bon déroulement de la campagne d'explication et de vulgarisation du nouveau code électoral récemment lancé par le ministre de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du Développement local. Les propos de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, ont été recueillis par notre confrère Charles Makoto et lors de cette session qui vient d'être ouverte. 9 projets de loi seront analysés, dont le projet de loi portant impôt sur le revenu. Après une courte pause, on va passer en page économie. savez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, je rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org, mais également sur Facebook en live. Il suffit d'aller sur Facebook, écrivez Isanganiro Burundi. Et n'oubliez pas de liker. Le Conseil des ministres de ce mardi recommande que le taux d'intérêt du prêt dans la banque des jeunes soit inférieur ou égal à 5%. Prosper Naogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, rappelle que 85% du capital, qui sera de 10 milliards de francs burundais, proviendront des communes et que le gouvernement financera cette banque à hauteur de 15%. Dans le même conseil, il a été également recommandé l'accélération de la création de la banque des femmes. Suivez à ce propos Prosper Naogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. La jeunesse burundaise fait face à de nombreux défis de la vie. Ces derniers sont liés à l'augmentation démographique, au sous-emploi et à la problématique d'accès aux systèmes financiers existants. Le projet de création d'une banque pour les jeunes tire son origine dans la volonté du gouvernement d'appuyer les projets socio-économiques des jeunes et apporte une solution durable aux multiples problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. Le Conseil des ministres avait analysé le dossier sur la mise en place de cette banque et le principe avait été adopté. Le projet de décret sous analyse vient concrétiser le vœu de création de cette banque dont le capital est de 10 milliards de francs bourg, dont les actionnaires sont l'État à hauteur de 15% et les communes à hauteur de 85%. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant quelques retouches avec la recommandation que le taux d'intérêt à appliquer soit inférieur ou égal à 5%. Le Conseil en a profité pour recommander d'accélérer la mise en place d'une banque des femmes. Au cours de ce même conseil, il a été recommandé que le personnel burundais est moins représenté au sein des organes de la communauté. Il a été constaté, que le personnel burundais est moins représenté au sein des organes de la communauté est-africaine, les défis étant au niveau académique. La solution préconisée, ce conseil des ministres a désigné une équipe qui va organiser des formations sur place et qui va conduire au diplôme de master. Et les ouvriers de la société Tanganyika Sugar Company qui travaillent dans les champs de canne à sucre à Gihanga ont arrêté le travail ce jeudi matin. Ils réclament leur salaire qu'ils n'ont pas perçu depuis le mois de mai. Naoum Baranghiliza, représentant de cette société, explique que c'est quelques ouvriers qui ne sont pas encore payés, mais que ces salaires sont déjà disponibles. Espèce Caritas Kawanyana pour plus de détails. Avec le matériel qu'ils utilisent dans les champs de canne à sucre, dans les mains comme les roues et les machettes, ces ouvriers, composés d'hommes et de femmes, étaient attroupés en petits groupes à côté de la RN5, la route Bujumbura-Rugombo, à quelques 500 mètres des champs de canne à sucre qui sont plantés sur plus de 3000 hectares. Ces ouvriers nous ont signifié qu'ils ont arrêté le travail ce jeudi matin suite à 3 mois d'impayés. Ils ont touché le dernier salaire au mois d'avril et réclament les salaires des mois de mai, juin et juillet, ils demandent aux responsables de la société Tanganyika Sugar Company de les rétablir dans leurs droits. Ces ouvriers qui se comptent autour de 150 personnes, comme ils le disent, déplorent le fait qu'ils ont actuellement des problèmes avec les propriétaires des maisons qu'ils ont pris en location puisqu'ils n'ont plus d'argent pour payer. Au niveau de la société Tanganyika Sugar Company, on reconnaît qu'il y a des ouvriers qui ne sont pas encore payés. Naoum Baranghiliza, représentant cette société, nous a expliqué au téléphone qu'il s'agit d'un petit problème qui a fait que ces ouvriers ne soient pas payés à temps, mais il indique que ce problème est déjà résolu et que ces ouvriers vont percevoir leur argent au cours de cette semaine. Il leur demande cependant de regagner leur travail et dit qu'il ne fallait pas suspendre les activités pour revendiquer. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana, quittant l'ouest du pays à Bobanza pour aller au nord du pays, c'est à Kirundo. Je vous l'avais dit en titre, le directeur du lycée communal de Murunguri, en commune Nhega de la province Kirundo, est au cachot du parquet de cette province. C'est depuis son mercredi, il est poursuivi pour avoir violé les unes de ses écolières. Le procureur de la République en province de Kirundo affirme que Jean-Paul Niyomwungere est détenu pour des raisons d'enquête. Les détails avec notre correspondante Agnès Naumagati. Après avoir écouté Jean-Paul Niomongere, directeur du lycée communal Murungurira, et mené des enquêtes sur terrain, le procureur de la République à Kirundo a décidé d'arrêter depuis ce mercredi le directeur du lycée Murungurira, l'accusant d'harcèlement sexuel à l'égard de ses élèves. Les voisins du lycée se disent satisfaits que Jean-Paul Niomongere est arrêté. À côté de cela, les enseignants du lycée communal Murungurira indiquent que leur directeur est accusé d'harcèlement sexuel à l'égard de 15 élèves, comme il l'indique dans la lettre du 24 juillet adressée à monsieur le directeur communal de l'enseignement à Nègre. Le procureur de la République à Kirundo a arrêté monsieur Jean-Paul Niomongere pour des raisons d'enquête et il a lancé un appel vibrant à toute personne détentrice d'une information sur ce directeur de bien vouloir l'informer. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Nhamagadze. Non loin de chez vous, des administrateurs communaux en province Muyinga se résolvent de procéder à la détention des sous-rares, car l'ivresse publique fait partie des causes de l'insécurité d'après les administratifs en réunion de sécurité ce mercredi à Kobero. Le gouverneur de cette province se trouve qu'une détention temporaire dans l'ivrogne se justifie par la nécessité de l'empêcher de commettre des forfaits. Dieudonné Nzeyima en correspondance. L'ivresse publique inquiète bon nombre d'administrateurs des communes de la province Muyinga comme à Mwakiro, où le seuil est franchi avec des ivrognes et femmes, constate Chivi Muhimundu, administrateur de cette commune. Ces derniers jours, des femmes s'enivrent publiquement et les rentrent tard. C'est une source d'insécurité. Parfois, elles viennent se plaindre comme quoi elles ont été victimes de violences sexuelles dans les heures avancées. En réunion de sécurité à Kobero, commune Butihinda, mercredi, elle révèle que deux personnes sont mortes en l'espace d'une semaine suite aux bagarres éclatant entre des personnes ivres. Désormais, les ivrognes en place publique seront mis au cachot pour au moins une demi-journée, suggère les administrateurs, soutenus par Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga. Arrêter provisoirement en cela est une manière sûre de le priver de commettre des forfaits. L'article 515 du Code pénal burundais énonce la punition de 10 000 francs à 20 000 francs burundais à celui qui a été trouvé en état manifeste d'ivresse dans les rues, places, chemins, débits de boissons, salles de spectacle ou autres endroits non clôturés. De Muyinga, Dieudonné Nzeyima, Radio Isanganiro. Et pour parler femmes, le degré de scolarisation des filles est satisfaisant en province de Muramvya, comme l'indique certains habitants de la colline Gouetéto en commune évoquée de la province de Muramvya. C'est ce qui est confirmé par le conseil pédagogique de la dite province. Benjamin Ndagijimana explique que les inscriptions de l'année scolaire 2018-2019 montrent qu'à l'école fondamentale, les filles occupent 52,4% sur 47,6% des garçons et à l'école post-fondamentale, les filles sont à 59% contre 41% des garçons. Les détails avec Vesti Nebutoy. Parlons femmes. Ce sont des habitants de la sous-colline Giko, colline Gouetéto de la commune Bukeye en province Muramvya, disant qu'actuellement les filles sont de plus en plus intéressées par l'école. Une des filles de la localité, élève de la 9e année de l'école fondamentale, indique que sa motivation de continuer ses études et qu'elle voulait emboîter le pas de ses grandes sœurs. Une des parents de cette colline Gouetéto ajoute que la scolarisation des filles à un degré suffisant résulte de la sensibilisation faite par des associations ainsi que par des autorités administratives. En outre, quand une fille parvient à terminer ses études, ses habitants de la dite colline affirment qu'elle peut être utile à sa famille et à la nation en général. Néanmoins, il s'observe encore des cas d'abandon des jeunes filles dans cette province de Muramvya. Ces résidents déplorent que l'une des causes de ces abandons soit la pauvreté. Cela est confirmé par le conseil pédagogique au sein de la direction provinciale de l'enseignement de Muramvya, Benjamin Ndagijimana, tout en mentionnant que ces abandons ont été réduits par le fait de lutter contre les grossesses non désirées chez les jeunes élèves. Yes, aussi, il y a des cas d'abandon parce que j'ai déjà dit qu'il y a des facteurs qui peuvent causer ces abandons. Par exemple, la pauvreté dans les familles. Il y a aussi quelques cas de grossesse non désirée. Même si ces cas ne sont pas plus nombreux ici dans notre province. Par exemple, l'année passée, nous avons enregistré 84 cas de grossesse et amnés scolaires. Ce qui a fait que le DP Moulinvia est parmi ceux qui ont les suivi et imprimé. Le coordinateur dans la Fédération nationale des associations engagées dans la défense des droits de l'enfant au Burundi, Fenade Bansigle, demande à tout un chacun de faire son mieux dans le but d'éradiquer ces cas d'abandon scolaire. En province Moulinvia, on a inscrit au début de l'année scolaire 2018-2019 à l'école fondamentale 52,4% des filles et sur 47,6% des garçons et à l'école post-fondamentale 59% des filles contre 41% des garçons, selon Benjamin Dagijiman, conseiller pédagogique au sein de la direction provinciale de l'enseignement de Moulinvia. Radio Isanganiro, chronique justice. Les jugements rendus en première instance en matière civile sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel hiérarchiquement supérieure. Cette voie de recours qui est l'appel est prévue par le code des deux procédures dans le respect de certaines conditions et notamment le recours se faisant dans un délai de 30 jours. Maître Emile Nguengulutse explique que ce recours consiste à demander la réformation de la décision prise par le premier juge. Les explications, c'est dans cette chronique justice signée Alain Désiré Wukeyeneta. Le recours en appel est une voie ordinaire de réformation d'une décision rendue en première instance. Maître Emile Nguengulutse explique que l'affaire est portée devant une juridiction hiérarchiquement supérieure. L'appel est une voie de réformation ouverte à toute partie qui entend déférer à un autre juge la décision judiciaire qui ne lui donne pas satisfaction. Donc l'appel est formé devant une juridiction de rang supérieur à celle qui a rendu la première décision. En ce qui concerne les conditions, la partie qui interjette appel doit avoir qualité et intérêt dans le premier procès. Au niveau de l'appel, on va saisir la juridiction selon les règles ou les formalités que le code prévoit, notamment assigner la partie qui sera appelée l'intimée et vous serez appelé l'appelant. Ce qui est quand même très significatif, c'est que tu ne peux pas appeler une autre partie qui n'était pas partie au procès au niveau de l'appel. La loi consacre des exceptions. Certains actes ne sont pas susceptibles d'appel. Il y a des actes d'administration qui ne sont pas susceptibles d'appel, notamment les descentes sur le lieu, les commissions d'expertise, etc. Mais également ce qu'on appelle les jugements préparatoires qui ne préjugent pas le fond. Il y a le jugement qu'on appelle le jugement avant dit 3 qui concerne les mesures d'instruction pouvant permettre au juge de comprendre davantage l'affaire qui lui est soumise. Cependant, les jugements interlocutoires qui attaquent le fond de l'affaire sont susceptibles d'appel. Si tu vois que la mesure pourra, dans votre vision de l'affaire, et que vous voyez que ça pourra compromettre la défense de vos intérêts de manière visible, là vous pouvez justifier l'appel et par une motivation bien faite, vous pouvez saisir le juge d'appel. Si le jugement est infirmé et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, la juridiction d'appel pourra statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même arrêt. Avec l'appel, l'exécution du jugement rendu en première instance est suspendue. Le juge d'appel a le pouvoir, a le champ, tout le champ, de réexaminer l'affaire de nouveau, sans se référer aux instructions du premier juge ou à la motivation du premier juge. Donc le fond de l'affaire est analysé en entier, sans limite. La loi burundaise consacre le principe du double degré de juridiction, un principe qui voudrait qu'une décision de justice soit portée devant une instance supérieure à la première en vue d'affirmer ou d'infirmer la première décision. À la source, interview. Comme je vous l'avais annoncé, c'est le moment de l'invité du journal. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, répond aux questions relatives à l'intolérance politique qui s'observe ces derniers jours. Et il est au micro de notre confrère Robin Nyonguru. Excellence, Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, bonjour. Bonjour. Nous approchons les élections de 2020 et nous commençons à observer des cas d'intolérance politique à travers le pays. Quelle lecture vous donnez à cette situation? Bon, c'est une situation qui ne nous conforte pas, mais nous espérons que tout va aller très bien parce que avoir la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les situations antérieures, nous avons fait des pas en avant. Donc, ceux qui font ça, ce sont des attardés politiques. Ils ne comprennent pas la démarche que nous avons initiée de pouvoir faire la politique dans l'unité et malgré notre diversité politique et ethnique. De toute façon, nous observons au niveau de la base une intolérance basée sur la peur. Il y a les gens qui veulent conserver les postes qu'ils ont parce qu'ils disent « s'il y a d'autres partis politiques, je risque de perdre le poste que j'avais ». Non, le poste que nous avons, c'est le Burundi. Nous demandons à ces gens qu'ils sachent aujourd'hui, moi je suis vice-président de la République, mais je sais que demain, je ne serai pas vice-président de la République. Il y a autre chose que je peux vous dire. Il y a certaines autorités de la base qui ont fait des rapports à leur chef que dans le secteur qu'ils contrôlent, qu'il n'y a pas d'autres partis politiques. Et quand ils voient d'autres partis politiques émerger, ils sautent sur eux et les menacent aussi. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de partis politiques et que chacun a droit d'appartenir à un parti qu'il veut. Mais apparemment, vous êtes optimiste, mais à voir ce qui se fait sur le terrain, je donne le cas de la province d'Oromangué, il y avait une réunion pour essayer d'apaiser la situation, mais c'est la nuit dernière qu'il y a une autre permanence qui a été détruite. Est-ce que votre message, on dirait qu'il n'est pas suivi? Non, le message est suivi, parce que si le message n'allait pas être suivi, parce qu'il y aura le chaos ici, parce qu'aujourd'hui, nous recommandons aux forces de l'ordre de mener les enquêtes minutieuses pour trouver qui a fait quoi. Parce qu'on a vu une permanence qui a été brûlée, mais après les enquêtes, nous avons trouvé que c'est les membres de ce parti qui ont brûlé cette permanence pour faire plus d'écho. Donc nous demandons à ce que les forces de l'ordre, les autorités habilitées, de pouvoir mener des investigations nécessaires pour mettre la main sur les criminels, qui qu'ils soient. Il n'y a pas de personnes qu'on dirait intouchables. Il n'y a pas de personnes intouchables aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même mon parti politique subit de ce genre de trucs, mais nous ne le disons pas à haute voix. Nous essayons de le faire d'une façon politique pour pouvoir atténuer la crise. Nous devons faire tout pour que la situation politique d'aujourd'hui change. Si rien ne change, cela ne risque pas d'entacher les élections. Ça doit changer parce que notre objectif, c'est de changer les choses. Nous savons qu'il y a des gens qui ont arraché les cultures des gens, les gens qui ont tabassé un vieux de 72 ans, mais le président de la République a donné l'ordre d'arrêter ces gens. Donc nous leur demandons que ces gens ne sont pas du parti prenant qu'il faut là, ces gens ne sont pas du parti CNDD, ces gens ne sont pas de l'UDCN, mais ce sont les gens qui entachent ces partis politiques. Nous demandons aux militants des partis politiques de pouvoir gérer la situation très bien et qu'ils sachent que la compétition, c'est comme au football. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Tous sont des Burundais. Il faut que plus nous bâtissons la paix, parce que quand il y a la paix, même si tu n'es pas administrateur, tu vas vivre. Si tu n'es pas premier vice-président, tu vas vivre, parce qu'il y aura la paix et tu feras tout ce que tu peux faire, parce que le gouvernement est là pour tout le monde. Gaston Sindema, vous êtes premier vice-président de la République. On vous remercie. Je vous remercie également. Merci à vous également, Ben Yonghuru, et votre interviewé. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimane pour la mise en onde. Eline Ben Yonghuru, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.